forêt murmure ses secrets oubliés. Sous la pluie douce, les âmes sont liées. Riders qui l'avance, l'aube est promise. Sur Twitch, les drops dansent. Lumière promise. Les pas s'enfoncent dans la terre gorgée. Chaque bataille laisse une trace figée. Les murs portent le poids des espoirs tués. Mais Raïdes qu'il ne lâche jamais la lune. Les voix s'élèvent dans un champ de foi. Sous la canopée, la paix parfois. Mais la guerre gronde, jamais loin sur Twitch. Le souffle des drops nous rejoint. Marche des veilleurs, lumière fidèle. Nos cœurs battent comme un appel. Riders qu'il guide, prêts à combattre dans Rust. Nos voix refusent de s'éteindre. Forêt dense, refuge et combat. Notre force grandit pas à pas. Un cri fend l'air, l'alerte sonne. Les ombres s'épaississent, la base résonne. Mais dans ce tumulte, la foi s'élève. Riders qu'il mène, la bataille se révèle. On reconstruit malgré la douleur. Chaque perte forge notre ardeur. Les cœurs s'unissent, bras levés. Sur Twitch, les drops nous font vibrer. Le vent s'intensifie, tambour gronde. Le cœur s'embrase, la nuit abonde. Raiders qu'il prête leur approche dans la forêt. Le feu s'accroche. Les sabots frappent le sol dur. La marche continue. Rythme sûr sur Twitch. Les regards sont braqués. Les drops tombent. Espoir chargé. Le calme revient, respiration lente. Mais sous les arbres, la tension hante. Riders qu'il veille, gardien fidèle. Sur Twitch, la flamme reste éternelle. Les feuilles chuchotent, mystère danse. Mais la force est là, sans relâche ni pause. Raiders qui lève l'épée, déterminé dans la forêt. La guerre est scellée. Un feu s'allume, un cri résonne. L'équipe s'unit, le combat tonne. Plus rien n'arrête cette sacré sur Twitch. Chaque drop est célébré. Chaque visage, chaque nom trace l'histoire. Bâtit le bastion. Marche d'éveilleur, lumière fidèle. Riders qu'il guide, le cœur. Unis par l'amour, le sang, la soleil